Ouais. Nathan, Ouigano. Du son pour les vrais mecs. Tu veux du vrai son, on va t'en donner. C'est du vrai, régulier, t'inquiète, il est parfait. Nous on s'est rappé, va te toucher, petit minet, apprends à parler. C'est du son pour les grands, pas pour les enfants. Regarde ta tronche, t'as pas 18 ans, ne prends pas pour des débutants. Ouais. Tu nous la feras pas, ne marche pas sur nos pattes. Tu vas prendre 2-3 claques, ça va faire mal. Attends. C'est Nathan Giuliano, c'est du son pour les vrais. On va te faire pleurer, reste debout, n'en viens pas à bout. Comme les déprimés qui savent pas travailler, on va t'apprendre le respect, hein. On n'est pas fatigué de dire la vérité, hein. Ouais. Nouveau son 2009. Arrête de jouer au Pokémon, écoute notre son qui donne, redonne-le, j'en dessus, ne sois pas déçu. Nous on baisse pas de nos calbutes, on n'est pas des putes. C'est Nathan Giuliano avec du nouveau son qui va te donner envie de chanter, de bouger et de rapper. Ouais. Arrête de dormir, sors de ton lit, suis le rythme, entre dans la piste. On t'a déjà dit, c'est du son pour les vrais, on va pas rigoler, nous on va fumer. C'est pas virtuel, ici c'est la vraie vie. T'es pas dans un jeu où ta santé est infinie. Ouais, du son pour les vrais. Arrête de jouer Pokémon, écoute notre son qui donne. Prenons-le, j'en dessus, ne sois pas déçu. Nous on baisse pas nos calbutes, on n'est pas des putes. C'est Nathan Giuliano avec du nouveau son qui donne. Envie de chanter, envie de bouger, envie de rapper. Ouais. Arrête de jouer au Pokémon, écoute notre son qui donne. Prenons-le, j'en dessus, ne sois pas déçu. Nous on baisse pas nos calbutes, on n'est pas des putes. C'est Nathan Giuliano avec du nouveau son qui donne envie de chanter, de bouger et de mettre à rapper. Du son pour les vrais. Nathan. Giuliano.